Chapitre 2e. Monsieur Roussoff était médecin, au reste, non pas un médecin bien illustre, mais ce qu'il avait gagné, joint au patrimoine de sa famille, lui assurait une existence fort agréable. Il pouvait se passer d'exercer pendant l'été, grâce à l'habitude invétérée de la villégiature, qui chasse les Russes dans une autre ville où ils se trouvent très mal, plutôt que de leur faire accepter la ville où ils sont nés avec un jardin et toutes les commodités de l'existence. Il faut avoir passé l'été ailleurs que chez soi, c'est un fait acquis. M. Roussoff ne protestait pas contre cet arrangement, qui lui permettait de faire respirer à sa femme et à ses enfants l'air de la campagne pendant 4 mois de l'année, sans lui faire rien perdre des bénéfices de sa position. Il arriva aussitôt chez le père Kouzma et procéda à l'examen du blessé. Quand il eut réduit la fracture de la jambe, il passa doucement les doigts le long de l'épine dorsale du jeune homme. Le père, qui le regardait, vit son visage prendre une expression grave, qu'il connaissait pour l'avoir vu à plus d'un lit de mort, et ses traits à lui se contractèrent horriblement. « Je pense qu'il vivra, » dit le médecin en levant la tête, « mais je crains qu'il ne reste difforme. »« Difforme ? » répéta le prêtre en levant les mains au ciel pour l'implorer. « Qu'a-t-il donc ?»« Il y a quelque chose à la colonne vertébrale. » Puisqu'il vit à présent, c'est que, selon toute probabilité, il vivra. Mais il pourrait devenir bossu. Bossu. Sa taille serait déjetée, tout au moins. L'immobilité complète, n'est-ce pas? Le prêtre promit tout ce que voulut le médecin, et celui-ci se retira afin d'envoyer chez lui tout ce qui pourrait soulager le malade. Quand le père Kouzma se trouva seul auprès de ce lit de souffrance, il regarda longuement son fils endormi, grâce aux narcotiques donnés par Roussoff. La nuit était venue, la petite pluie battait toujours les vitres, et la tristesse la plus morne se répandait dans cette chambre mal éclairée par une seule bougie et la lampe fumeuse des images. Le prêtre alluma un cierge devant le patron de l'enfant, puis revint près de lui. Était-il possible que cette stature élégante, ces membres fins et gracieux, puissent devenir un objet difforme et ridicule? Que son premier-né fût un être chétif et misérable, privé des joies de la vie, quand le matin encore il jouissait de toutes les prérogatives de l'homme sain et vigoureux. « Il est jeune, se dit-il, il n'a que 19 ans. À cet âge, il y a tout à espérer. Roussoff se trompe, ce n'est pas possible. » Le dimanche venu, quand, le service divin terminé, il s'avança jusqu'au bord de la balustrade qui sépare le cœur de l'église proprement dite, afin de dire son sermon au peuple rassemblé, il vit tous les yeux fixés sur lui avec l'expression de l'attente. Ces gens étaient prêts à écouter respectueusement ce qu'il allait leur dire, sans espérer en retirer grand profit pour leur corps ou pour leurs âmes. « Mes frères, » dit le père Kouzma en promenant son regard sur l'assistance, « je vais vous parler aujourd'hui de la résignation aux volontés de la Providence. Nous sommes tous nés dans l'angoisse et dans la douleur, et nul de nous ne sait ce que Dieu lui réserve. Il est donc bon de se préparer d'avance, à subir les calamités qu'il voudra nous envoyer, car le mal, nous prenant à l'improviste, vous terrasse et vous laisse sans force. » Sa voix trembla. Il essaya de l'éclaircir en toussant 2 fois, puis il reprit. « Dieu châtie ceux qu'il aime, et nous devons baiser avec reconnaissance la main qui nous frappe. Ainsi, moi, j'avais 2 fils, pleins de santé. » La parole lui manqua soudain. Il voulut reprendre, mais il ne put. 2 ruisseaux de larmes jaillirent de ses yeux pendant qu'il se retournait brusquement pour les cacher au peuple. Mais ces hommes simples le comprenaient tous, et un murmure sympathique parcourut leur rang. « Mes frères, dit le diacre, prions pour ceux qui souffrent, pour les malades et les affligés. » La foule entonna, en même temps que les chantres, le Pace Domine, et ce ne fut plus question de sermon pour ce jour-là.